qu'on lui fasse un signe. Un beau playboy à ses pieds qui vous fait oublier que le bonheur doit se mériter. Plus sympa qu'un réveil qui sonne à 6 heures. Prendre un avion pour Rio, danser au carnaval, c'est mieux que la piscine municipale.